L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zane Meyrowitz. Huitième épisode. C'est un très bon exercice physique de se faire courser par les flics. Mais à Jelin, t'es plutôt minable. Qu'est-ce que tu ferais sans de la marche, espèce de petit Allemand? De la marche? Je suis brûlante. Il faut chasser ces deux-là hors de cette pièce. C'est comme s'ils étaient déjà dehors, mon cœur. De la marche me donne des coups de fouet. Et pourquoi restes-tu s'il en est ainsi? Toi aussi, tu resteras. Tout cela, ça vaut peut-être pour toi, Robinson, mais pas pour moi. D'ailleurs, pourquoi tu ne les quittes pas? En fait, si tu veux savoir la vérité, moi j'ai cherché du travail, mais de la marche avait d'autres idées. L'esclavage. D'autres idées? Oui, peu à peu, on a retrouvé notre bonne humeur grâce aux porte-monnaies dont certaines passantes dans les rues nous faisaient cadeau, sans même qu'à s'en rendre compte. Après, on a commencé à chanter devant les portes pour mendier. Et hop, un soir, ce fut devant la porte de Brunelda. Elle est venue nous ouvrir. Elle portait une robe toute blanche et une ombrelle rouge. Je me suis demandé s'il était possible de trouver dans le monde entier une femme plus belle qu'elle. Une femme à boire, à lécher, à croquer. Et ferme, Rossmann, malgré ses bourrelets de chair, grâce à un corset fait exprès pour elle. Il est suspendu dans l'armoire, je te le montrerai si tu veux. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de glisser ma main un tout petit peu dans son dos. Mais à peine, Rossmann, à peine. Et bien sûr, un clochard qui passe sa main, même très très discrètement, sur le dos d'une dame archi-riche, ça va pas du tout, et de la marche m'a flanqué une telle claque que j'ai failli tomber dans les pommes. Après ça, il n'a eu Dieu que pour lui. « Vous ne voulez pas entrer un petit instant ?» elle lui a dit. Moi, j'étais ravi, mais après qu'ils furent rentrés tous les deux, les domestiques m'ont claqué la porte-nez. Alors j'ai attendu. Attendu dehors, attendu, et soudain un valet a ouvert la porte et m'a filé un grand bol de soupe. C'était au moins ça? Enfin bref, le valet est resté dehors avec moi, peut-être par pitié, et il m'a raconté l'histoire de Brunelda. Brunelda était une femme richissime. Elle est divorcée, son ex-époux est un marchand de cacao. Elle l'exècre, mais lui l'adore toujours. Une fois, elle lui a jeté une cruche pleine d'eau à la figure et lui a cassé une dent. Par la suite, le valet m'a raconté que son ex-époux lui a apporté une figurine en porcelaine, un cadeau de très grande valeur. Brunelda la lui a prise des mains, l'a jetée par terre, l'a piétinée, a craché dessus et a fichu l'ancien mari dehors. Ensuite, elle a congédié ses valets et ses servantes et quitté sa grande maison pour pouvoir s'installer avec de la marge dans cet appartement de banlieue et se donner entièrement à lui. Et l'ex-époux? De temps en temps, il passe. Elle entre dans des colères noires et le jette dehors. Mais moi, j'ai su en profiter. Il m'attend tous les soirs au coin de la rue pour avoir des nouvelles de Brunelda. Je raconte n'importe quoi et il me paie très généreusement. Mais de la marche a eu vent de ce marché et je suis maintenant obligé de lui reverser tout l'argent que je gagne. Mais si le mari a compris que Brunelda ne voulait plus de lui, qu'est-ce qu'il cherche alors? Qu'est-ce que j'en sais? Enfin, ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il est prêt à payer beaucoup pour obtenir des renseignements et qu'il donnerait n'importe quoi pour avoir le droit de s'asseoir ici, sur ce balcon, comme nous. Pourquoi Brunelda a donné congé à ses domestiques? Elle voulait couper tous les ponts. Elle disait « De la marche, chérie, débarrasse-moi de tous ces singes ». Et c'est ce qu'il a fait, en plus de dilapider sa fortune. C'est lamentable. Puis il lui a dit « Maintenant, chérie, tu n'as plus de domestiques ». Alors, elle est venue vers moi, m'a tapoté les deux joues en disant « Mais si, chérie, Robinson est là pour me servir. » Mais ce n'est pas vrai. Je te jure, Rossmann. Si jamais t'as la chance d'être tapoté sur les joues par Brunelda, tu ne l'oublieras jamais tellement que c'est une jouissance. Regarde, Rossmann, cette ivrogne minable qui pleure sans cesse, qui se plaint d'être malade mais qui, de toute évidence, ne l'est pas du tout. Il est tout simplement malheureux parce qu'il n'a pas saisi la réalité de ce qui lui arrive. Dis-le-lui. Robinson, tu n'es pas un employé ici. Tu es un esclave. Regarde comme tu es habillé et il faut que tu demandes la permission pour sortir. En plus, tu vois tous ces meubles? Elle en a vendu un peu quand elle a quitté sa grande maison. Mais le reste, c'est moi qui les ai portés jusqu'ici. Mais tu ne les as sûrement pas portés jusqu'en haut. Bien sûr que si, et tout seul. Brunelda restait en bas avec le camion, Delamarche était dans l'appartement pour me montrer où placer les affaires, et moi, je faisais les allers-retours jusqu'au sixième étage, avec chaque meuble sur les épaules. Même les grandes armoires, je les ai montées. J'ai demandé à Brunilda d'engager d'autres personnes pour faire avancer plus vite l'affaire, mais elle insistait pour que je le fasse tout seul. Elle avait confiance qu'en moi. C'est comme ça que je me suis ruiné le dos. Tu crois que tes foutus copains liftiers m'auraient eu si j'avais eu le dos en bon état? Mais pourquoi tu ne refuses pas cette condition? Jamais. Je travaillerai jusqu'à ce que je n'ai plus de force, puis je me coucherai pour pouvoir mourir. Après, ils réaliseront comment j'ai travaillé pour eux sans relâche et que je me suis esquinté pour les servir. Mais il sera trop tard. Un être humain ne doit pas accepter tout ça. Tu as le droit de quitter de la marche, même s'il est ton ami. Tu crois donc que je m'en sortirai si je cessais de travailler ici? Bien sûr. Bien sûr? C'est certain. Alors je vais pouvoir commencer tout de suite à me reposer. Mais comment? Mais parce que tu vas assumer mon travail. Moi? Eh ben oui, Rossmann. C'est décidé depuis un moment déjà. Malgré ton insolence bien connue, j'ai proposé ta candidature et de la marche l'a acceptée. Tu devras faire le ménage, mais pour cela, déplacer tous les meubles sans faire le moindre bruit pour ne pas contrarier Brunelda. Jamais de la vie. Pour le moment, tu n'es pas encore engagé officiellement, parce que d'abord, il faut plaire à Brunelda. Donc, fais un petit effort, Rossmann, et cesse d'être aussi désagréable tout le temps. C'est hors de question, je ne vais certainement pas accepter cette position. Arrête tes bêtises, s'il te plaît. C'est une occasion, une vraie chance. Où tu trouveras du boulot, sinon? Personne te connaît ici, et tu connais personne. Non, je m'en vais, et tout de suite. Où tu vas? Tu vas quand même pas entrer dans la chambre sans qu'on t'appelle. Bien sûr que si, Robinson. Reste là. Où vas-tu, petit? Je m'en vais. Tu veux pas regarder le défilé en bas? Aïe. Elle t'écrase contre la balustrade avec son énorme corps. Et maintenant, elle te tripote la chemise avec ses énormes doigts. Au secours! Un juge sera élu demain dans ce quartier. Le pauvre type, là, au centre de la foule, avec son haut de forme, installé sur les épaules de son garde du corps, c'est un des candidats. Et sa campagne électorale est un vrai carnaval, comme tu peux le remarquer. Regarde comme il essaie de se redresser pour faire son discours. Et comment à chaque fois il retombe sur les épaules de l'autre et perd son haut de forme. Un vrai cirque, notre politique. Ça te plaît, petit? Elle te presse de plus en plus. Tu peux à peine respirer. Et lâchez-moi, vous me faites mal. C'est comme au théâtre. Tiens, regarde avec ma lorgnette. Je ne vois rien avec la lorgnette. Mais si, tu la tiens mal. Comme ça. Toujours rien. Comme il est têtu, ce garçon. Il faut tourner la molette. Et son haleine si près de tes narines? Tu vas bientôt t'évanouir. Alors décide-toi. Tu vas regarder le défilé, oui ou non? Non, non et non. Bon, tu veux vraiment pas regarder notre petit monde politique? Et maintenant, te voilà retourné, face à elle, écrasé contre la balustrade par ses seins titanesques. Je vous en supplie, madame, laissez-moi partir. Tu restes avec nous. Ça ne sert à rien, Rossmann. Même si tu échappes à Brunelda, il y a Robinson sur sa droite et Delamarche sur sa gauche. Tu es prisonnier. Je suis sûr qu'il va rester. Sois heureux qu'on te chasse pas. On ne fiche pas un voleur en fuite à la rue, Robinson. On l'emballe et on le livre tout frais au poste de police. Ce que l'on va faire s'il ne change pas d'attitude d'ici demain matin. Maintenant, t'en as assez vu, petit. Allez, va dans ma chambre. Prépare mon lit et tout le reste pour la nuit. Et dépêche-toi. Je suis très fatigué. Rossmann. Ils sont tous restés sur le balcon à regarder le défilé. Tu n'as qu'à ouvrir la porte d'entrée sans faire de bruit et disparaître dans la nuit. Et s'ils me surprennent? Tente le coup. Tu n'as pas le choix. Fermez la clé. Cherche-la. Dans tout ce chaos? Rien. Il faut forcer la porte. Prends les deux couteaux de cuisine et enfonce-les de chaque côté de la serrure. Cassé. Ils sont quand même enfoncés. Alors tu as au moins un point d'appui. Maintenant, tire. de toutes tes forces. Tiens, tiens, qu'avons-nous ici? Viens, viens. Petit minable, tu veux disparaître? Je vais t'aider. J'ai le visage tout mouillé. Mais c'est pas du sang quand même. Tout le monde dort. Tu ne veux pas faire une dernière tentative avec la porte? Vas-y. Quelqu'un dort avec ses potes. Ça ne peut être que Robinson. Ils l'ont placé en travers de la porte pour bloquer ta fuite éventuelle. Donc c'est foutu. Je n'ai plus aucun espoir de sortir d'ici. Ah, c'est mieux ici sur le balcon. Au moins, ça ne pue pas comme à l'intérieur. Regarde, Rossmann, sur le balcon d'à côté. Il y a quelqu'un? Peut-être pourra-t-il t'aider à t'échapper. Bonsoir. Bonsoir. Et la suite du bonsoir? Je vous dérange? Évidemment. C'est sûrement un étudiant. Il y a des piles de livres et des cahiers partout sur son balcon. Toi, tu aurais pu poursuivre tes études chez toi si tes parents ne t'avaient pas envoyé en Amérique. Tu voulais être ingénieur. Mais là, maintenant, à quoi pourraient servir des études européennes? Tout est oublié dans cette triste nuit américaine. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez à me regarder ainsi? Surtout depuis le balcon de ces trois détraqués. Je m'appelle Karl Rossmann, allemand, de Prague en Bohême. Joseph Mendel. Étudiant? Par le passé, je voulais aussi faire des études, mais malheureusement, j'ai été contraint de les abandonner. Il ne faut pas le regretter. Si je poursuis mes études, ce n'est pas par conviction, mais par habitude. Je n'y prends plus aucun plaisir, et elles sont complètement inutiles dans ce pays. Vous avez vu la parade ce soir? Le candidat, Donald Fersen. C'est une nullité, mais on l'adore, il a toutes ses chances. Et l'autre, il est de loin le meilleur candidat, il pourrait être un des meilleurs juges de notre circonscription, mais il n'a aucune chance d'être élu. Il va se battre, perdre la petite fortune qu'il a engagée, et il sera rayé de la carte. Je n'entends rien à la politique. C'est un grand tort. En tout cas, il est bien trop tard pour que j'apprenne quoi que ce soit. C'est triste. Vous ne voulez pas aller dormir un peu? Regardez la pile de livres que j'ai encore à lire ce soir. Vous m'empêchez de travailler. Excusez-moi. Je voulais simplement trouver quelqu'un qui me prête une oreille attentive. La vôtre était la plus proche. Pourquoi parlez-vous tout bas comme ça? Excusez-moi, mais si je parle trop fort, cela les réveillera et il se produira une nouvelle bagarre. Une bagarre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi portez-vous cette espèce de turban sur la tête? Ah! Ils ont dû me faire un bandage de fortune quand j'ai perdu connaissance tout à l'heure. Votre bandage de fortune ressemble plutôt à un sous-vêtement féminin. Effectivement, Rossmann. Ils t'ont bandé la tête avec une vieille culotte de Brunelda. C'est que je dois avoir quelques blessures. Pourquoi êtes-vous chez ces gens-là? Eh bien, je... Vous pouvez me le dire sans crainte. Je les déteste. Surtout la grosse matrone. Vous les connaissez? Bien sûr. Un jour, j'ai même soigné la dame. J'ai quelques connaissances en médecine. Est-ce que ça sent toujours aussi mauvais autour du canapé où elle passe toute sa journée? Toujours. Et figurez-vous, Delamarche veut que je devienne leur domestique. Mais moi, je ne veux pas. Vous avez d'autres perspectives d'avenir? Pas vraiment. Donc, restez chez eux. De toute manière, ce ne sont pas les domestiques qui choisissent leurs employeurs. Si j'ai bien compris, vous me conseillez de rester ici malgré tout. Puisque vous n'avez pas d'autre choix. Puisque l'étudiant qui connaît bien et Delamarche et la vie américaine, et qui de plus est un homme cultivé, te conseille de rester ici, Rossmann. Pourquoi ne pas l'écouter? Qui sait même, après tout, si dans ta patrie tu aurais pu venir à bout de tes études? N'aurais-tu pas plus de chances de trouver un poste où donner ta mesure et te faire considérer en proportion de tes mérites en acceptant provisoirement la situation de domestique chez Delamarche? Tu pourrais attendre ici en sûreté une occasion plus favorable. Après tout, tu es jeune, Rossmann, et Delamarche finira bien un jour par te laisser partir. Oui, trouver un emploi où il pourrait se faire une place. Et pourquoi pas dans un bureau ? Assis à sa table à regarder par une fenêtre ouverte, sans le moindre souci, comme n'importe quel fonctionnaire. La nuit, il passerait son temps à se préparer. Il ferait tout pour le bien de son entreprise. Il accepterait toutes les tâches, même celles que ses collègues de bureau refusent, comme étant indignes d'eux. S'il avait son futur employeur là, face à lui, devant le canapé puant de Brunelda où il est en train de sombrer dans le sommeil, il lui ferait part de ses bonnes résolutions. Pour le moment, statu quo et patience. L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zane Meyrowitz. Huitième épisode. Avec Guillaume Marquet, Karl Rossmann, Laurent Cléry, le narrateur, Philippe Bautier, Robinson, Alain Fromager, Delamarche, Catherine Tartarin, Brunelda, Jonas Marmy, l'étudiant. Et Julien Aluguette, Cécile Arnaud, Myrène Astré, Vincent Bramoulet, Richard Chevalier, Françoise Cousin, Nicolas L., Marc Léonian, Léo Reynaud, Othello Villegar, Élodie Vincent, Valérie Vinci. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissens, Élodie Fiat. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Bastien Varigaud, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande.